avais le visage souriant. Tu nous dis au revoir. Tristement, nous te regardions partir. Je savais les églises avaient besoin de toi. Je ne pouvais te retenir. Je garderai ce que tu m'avais confié. Dieu Tout-Puissant, t'as gagné la gloire. Tu as vaincu Satan. Tes paroles ont tout accompli. Ta volonté faite sur terre. envers Dieu jusqu'à la fin.